Matthieu chapitre 26. Et il arriva que quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de Pâques est dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs, et les scribes, et les anciens du peuple, s'assemblèrent dans la salle du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par finesse, afin de le faire mourir. Mais ils disaient, que ce ne soit point durant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque émotion parmi le peuple. Et comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, il vint à lui une femme qui avait un vase d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix, et qui le répandit sur sa tête, lorsqu'il était à table. Mais ses disciples voyant cela, en furent indignés, et dirent, « À quoi sert cette perte ? » Car ce parfum pouvait être vendu beaucoup, et être donné aux pauvres. Mais Jésus connaissant cela, leur dit, « Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme ? Car elle a fait une bonne action envers moi. Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Car ce qu'elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour l'appareil de ma sépulture. En vérité je vous dis, que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi récité en mémoire d'elle. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, s'en alla vers les principaux sacrificateurs, et leur dit, « Que me voulez-vous donner, et je vous le livrerai ?» Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent, et dès lors ils cherchaient une occasion pour le livrer. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus, en lui disant, « Où veux-tu que nous t'apprêtions à manger la Pâque ?» Et il répondit, « Allez à la ville, vers un tel, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi, avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et préparèrent la Pâque. Or, quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme ils mangeaient, il leur dit, « En vérité, je vous dis, que l'un de vous me trahira. » Et ils en furent fort attristés, et chacun d'eux commença à lui dire, « Seigneur, est-ce moi ? » Mais il leur répondit, et dit, « Celui qui met sa main au plat pour tremper avec moi, c'est celui qui me trahira. Or le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi, il eût été bon à cet homme-là de n'être point né. » Et Judas, qui le trahissait, répondant, dit, « Maître, est-ce moi ? » Jésus lui dit, « Tu l'as dit. » Et comme il mangeait, Jésus prit le pain, et après qu'il l'eut béni Dieu, il le rompit, et le donna à ses disciples, et leur dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris la coupe, et béni Dieu, il la leur donna, en leur disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs, en rémission des péchés. Or je vous dis, que depuis 7 heures je ne boirai point de ce fruit de vigne, jusqu'au jour que je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Et quand ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous serez tous cette nuit scandalisés à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Et Pierre prenant la parole, lui dit, « Quand même tout serait scandalisé à cause de toi, je ne le serai jamais. » Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, qu'en cette même nuit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Jésus s'en vint avec eux en un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que j'aie prié dans le lieu où je vais. » Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est de toute part saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici, et veillez avec moi. » Puis s'en allant un peu plus avant, il se prosterna le visage contre terre, priant, et disant, « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non point comme je le veux, mais comme tu le veux. » Puis il vint à ses disciples, et les trouva dormants, et il dit à Pierre, « Est-il possible que vous n'ayez pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez, et priez que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla encore, pour la seconde fois, et il pria, disant, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint ensuite, et les trouva encore dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore, et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vint à ses disciples, et leur dit, Dormez dorénavant, et vous reposez, voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit, s'approche. Et comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, vint, et avec lui une grande troupe, avec des épées et des bâtons, envoyés de la part des principaux sacrificateurs, et des anciens du peuple. Or celui qui le trahissait, leur avait donné un signal, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, « Maître, je te salue. » Et il le baisa. Et Jésus lui dit, « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici ?» Alors s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus, et le saisirent. Et voici, l'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main sur son épée, l'attira, et en frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée, périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait présentement plus de 12 légions d'anges ? Mais comment seraient accomplies les Écritures, qui disent qu'il faut que cela arrive ainsi ?» En ce même instant Jésus dit aux troupes, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et s'enfuirent. Et ceux qui avaient pris Jésus, l'amenèrent chez Caïphe, souverain sacrificateur, chez qui les scribes et les anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivait de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et étant entré dedans, il s'assit avec les officiers, pour voir quelle en serait la fin. Or les principaux sacrificateurs, et les anciens, et tout le conseil, cherchaient de faux témoignages contre Jésus, pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, et bien que plusieurs faux témoins fussent venus, ils n'en trouvèrent point de propres, mais à la fin deux faux témoins s'approchèrent. Qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. Alors le souverain sacrificateur se leva, et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi? Mais Jésus se tut. Et le souverain sacrificateur prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit, de plus, je vous dis, que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous plus à faire de témoins? Voici, vous avez oui maintenant son blasphème, que vous ensemble? Ils répondirent, il est digne de mort. Alors ils lui crachèrent au visage, et les uns lui donnaient des soufflets, et les autres le frappaient de leur verge, en lui disant, « Christ, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé ?» Or Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui, et lui dit, « Tu étais aussi avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, en disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Et comme il était sorti dans le vestibule, une autre servante le vit, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. » Et il le nia encore avec serment, disant, « Je ne connais point cet homme. » Et un peu après, ceux qui se trouvaient là, s'approchèrent, et dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te donne à connaître. » Alors il commença à faire des imprécations, et à jurer, en disant, « Je ne connais point cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.